Chapitre 9e, le prisonnier de l'île. Lorsque Don José, écrasé de honte et brisé par le désespoir d'être à tout jamais séparé de sa chère Fernande et de sa petite Jeanne, s'était décidé à quitter pendant la nuit le château de Kerdal comme un voleur surpris en flagrant délit, il ressemblait à un somnambule qui, dominé par une volonté supérieure, la subit machinalement. Il s'assit au fond de la barque sans prononcer un mot, et Pedro Diaz orienta la voile dans la direction de l'île de Boed. 4 heures plus tard, ils abordaient, et le Texien, après avoir amarré son bateau, conduisit le bâtard à la maison qui devint momentanément lui servir de demeure. La veuve du pilote qui attendait ses nouveaux locataires avait fini par s'endormir près de sa cheminée, dans laquelle brûlaient les restes d'un feu de houille. Le bruit que fit Pedro en ouvrant la porte l'éveilla en sursaut. Elle se leva tout d'une pièce, et remarquant le riche costume de José, elle lui fit sa plus belle révérence et lui offrit ses services. « Je n'ai besoin que d'un lit, » répondit-il, tout en jetant un regard sombre sur le pauvre logis dans lequel il était. La bonne femme prit une de ces lampes de fer dont la forme rappelait celle qu'on trouve dans les fouilles des anciens édifices romains, et passant la première, elle monta au premier étage et ouvrit une porte. La chambre destinée au bâtard ne brillait pas par l'élégance, mais son aspect était assez propre. Une table de chêne, des chaises en merisier, une petite glace et un lit en bois blanc avec deux matelas où le varech remplaçait le crin et la laine composaient l'ameublement de cette pièce. Les draps étaient d'une blancheur irréprochable. La veuve voulut lui vanter la somptuosité du logis, mais José, qui aspirait à être seul, la congédia en prétextant sa fatigue. L'homme suit presque toujours l'exemple de la nature qui se calme après les grandes perturbations. Le bâtard de Claudio ressentait cette torpeur qui engourdit la pensée et prédispose au sommeil. Il se jeta tout habillé sur son lit, et lorsqu'il s'éveilla, il faisait grand jour. Tout d'abord, il ne se rendit pas compte de l'endroit où il se trouvait, et il regarda avec étonnement ce logis nouveau pour lui, cette chambre luxueuse, au dire de la bonne femme, et si misérable pour lui. Il ferma les yeux pour mieux réfléchir et peu à peu, les nuages qui obscurcissaient sa pensée se dissipèrent. Le souvenir des événements qui s'étaient accomplis lui revint clair et net, en même temps que sa situation présente lui apparaissait dans toute sa terrible réalité. Désormais, il était un paria sans famille, un exilé. Il se leva et descendit. Sur le devant de la porte, il vit Pedro qui avait détaché les filets du défunt pilote et préparait les paniers pour la pêche. La matinée, quoique fraîche, annonçait une journée splendide. Sur le ciel, quelques nuées blanches moutonnaient et au loin, à travers les brumes transparentes, on apercevait les récifs et les îlots semés en profusion sur le golfe du Morbihan. Tout était calme et repose sur ce coin de terre, dont l'œil embrassait les contours. Près de la mer, s'élevaient quelques chaumières aux toits couverts de varech. De temps à autre, passaient sur les vagues des barques de pêcheurs, dont les voiles blanches brillait au premier rayon du soleil. « Si vous le voulez, seigneur, » dit Pedro Diaz à Don José, « nous irons tendre nos nasses et placer nos filets. »« Vous allez donc rester ici avec moi, » répondit le bâtard. « Jusqu'au moment où le yacht qui doit nous transporter tous deux au Mexique sera construit, » repartit l'ex-intendant. « Ainsi, je suis prisonnier dans cette île et vous êtes mon geôlier. Je serai votre serviteur, s'il vous convient de m'agréer comme tel. » À la condition, n'est-ce pas, que je ne sortirai pas de la prison où je suis confiné. Monsieur le marquis m'a donné des ordres, et mon devoir est d'obéir. Oui, oui, je suis seul au monde à présent, fit José avec un serrement de cœur, et je dois me résigner. Je l'ai promis. Puis après un moment de silence, il ajouta, je vous accompagnerai à la pêche. Avec votre permission, seigneur, reprit Pedro, nous déjeunerons d'abord, car nous ne rentrerons que ce soir. Lorsque le déjeuner fut achevé, le Texien transporta sur son bateau ses instruments de pêche, démarra, et ils se dirigèrent vers les récifs à fleurs d'eau que la veuve de l'ancien pilote lui avait recommandés comme étant très poissonneux. Pedro Diaz faisait ses débuts à la pêche, mais comme de temps à autre, il trouvait dans ses paniers de magnifiques homards à robe bleue, il finit par y prendre goût. Pendant les intervalles qui s'écoulaient entre la levée des paniers et des filets, il prenait avec un trouble de grosses crevettes qui courait à la queue leu entre les rochers. La pêche fut superbe, et quand ils rentrèrent, la veuve s'extasia sur leur adresse. un mulet de belle taille et une langouste de première grosseur firent les frais du souper. L'air de la mer avait donné appétit à Don José, et il fit honneur au repas confectionné par leur hôtesse qui excellait, en fait de cuisine, à tout ce qui touchait à la marée. Quant à Pedro, il dévora. Cette journée et celles qui suivirent se ressemblèrent. On partait de grand matin pour la pêche, et l'on ne rendrait le plus ordinairement qu'à la tombée de la nuit. Quelquefois, José emportait une vieille canardière, qui jadis avait servi au pilote, et il chassait les sauvagines qui étaient fort abondantes en cet endroit. Deux jours par semaine, le mardi et le samedi, Pedro Diaz se rendait à Pembor pour y faire ses provisions, et de là, il allait au château renseigner le marquis de Kerdal sur le compte de celui dont la garde lui avait été confiée. Et chaque fois, sa réponse aux questions qu'on lui adressait était la même. Il est résigné à son sort, et nulle révolte de sa part n'est à craindre. À mon retour, je suis certain de le retrouver où je l'ai laissé. Cependant, le cormoran n'avait pas tardé à remarquer les visites du Texien et ses conférences secrètes avec le marquis et la duchesse. Il apprit bientôt par les gens de l'office que ce visiteur se nommait Pedro Diaz et qu'il avait été pendant longtemps l'intendant de la famille de Clodion. D'où venait-il? Pourquoi deux fois la semaine paraissait-il au château? C'est ce que personne ne put lui apprendre. Toutefois, sa curiosité avait éveillé. Il suivit un jour le Texien jusqu'à Pembor, où il le vit monter dans une barque et se diriger vers les îles de la mer du Morbihan. Ce fut le surlendemain de ce jour qu'il avait rencontré Carmela dans la forêt qui avoisinait le château de Kerdal. Le soir, à 9 heures, il se présenta à l'hôtel que la créole lui avait indiqué. Elle l'attendait avec une vive impatience. Lorsqu'il parut, Hector de Livran fit un clignement d'œil que Madame de San Loco ne remarqua pas, mais dont le cormoran comprit la signification. Ce coup d'œil presque imperceptible voulait dire « Ici, mon vieux, nous ne sommes plus des camarades. Observe-toi. » Carmela, dès que l'espion fut entré, la pressa de questions au sujet du départ et du retour du duc, et le cormoran lui confirma ce qu'il y avait écrit. « Le duc n'est pas allé à Paris, » lui dit-elle quand il eut achevé. « Cependant, je puis vous affirmer, madame, qu'il a annoncé à la duchesse et au marquis de Kerdal qu'il s'y rendait, et je l'ai vu monter en chemin de fer à Bannes, comme je vous vois en ce moment, » répondit le cormoran. « Tout cela est fort étrange, » répliqua l'ex-ténor, « mais vous avez marqué, dans une de vos lettres à madame de San Loco, que bien que le duc et la duchesse parussent être dans les meilleurs termes, leur conduite l'un vis-à-vis de l'autre était des plus extraordinaires. » « Ça encore, c'est vrai, monsieur le vicomte. Ainsi, le soir, quand arrive l'heure de coucher l'enfant, la duchesse et la nourrice l'amènent au duc qui l'embrasse, puis il s'en va tranquillement sur la terrasse du château, respirer l'air de la mer, tout en fumant un cigare, tandis que sa femme rentre toute seule chez elle. Si la chose avait lieu une fois par hasard, passe encore. Mais tous les soirs, il en est de même, et ça me semble d'autant plus explicable qu'ils ont l'air, pendant le jour, de s'aimer comme deux tourtereaux. » Pendant que parlait le cormoran, les soupçons de Carmela grandissaient et se fortifiaient. Plus que jamais, elle pensait que ce n'était pas José le bâtard, mais Jean de Clodion, dont elle avait fait rencontre dans la forêt. « C'est tout ce que vous savez ? » demanda-t-elle à cormoran. « J'ai remarqué autre chose encore, madame. Et ça, c'est comme tout le reste pour moi, une vraie bouteille à encre. » Il raconta alors les apparitions que deux fois la semaine, Pedro Diaz faisait au château, puis son départ en barque à Pembor pour les îles du Morbihan. La dernière partie du récit de l'espion frappa vivement la créole, et pendant quelques minutes, elle demeura comme abîmée dans ses réflexions. « Quels sont les jours où Pedro Diaz va au château ? » dit-elle. « Le mardi et le samedi, madame, » répondit le cormoran. « C'est bien. Voici pour les renseignements que vous venez de me donner, » reprit madame de San Loco, en lui remettant un billet de 500 francs à titre de gratification. Puis elle ajouta, « Je vais aller passer quelques jours à Pembor. C'est là que vous me trouverez s'il en est besoin. » « Et si mes services vous étaient nécessaires, madame, » répliqu'a l'espion, « vous n'auriez que me faire signe, car j'habite présentement la tour aux mouettes qui se trouve à 1 heure de chemin de Pembor. »« La tour aux mouettes, qu'est-ce que cela ?» dit Hector. « Une vieille masure, depuis longtemps abandonnée, monsieur le vicomte, et qui appartient au marquis de Kerdal. J'ai demandé, en raison de sa proximité du château, l'autorisation d'y établir ma demeure, et cette autorisation m'a été accordée. De cette façon, je puis voir tout ce qui se passe chez le marquis sans même questionner ses gens. C'est mal reconnaître les bontés de ce brave gentilhomme, il est vrai, dit le cormoran en se retirant, mais comme il fallait être ingrat envers madame ou envers lui, naturellement, je lui ai donné la préférence. Eh bien, dit Hector de Livran, donnant radieux à Carmela lorsqu'ils furent seuls, Il me semble que le mystère de la disparition de José commence à s'éclaircir. Les millions de la duchesse ne sont pas aussi aventurés que je l'avais craint tout d'abord, répondit la créole. Demain, nous partons pour Pembor. Partie de Vannes le lendemain, Madame de San Loco et le vicomte arrivèrent à Pembor vers le milieu de la journée et se firent conduire à la meilleure auberge de l'endroit. Carmela, comprenant que l'apparition d'une femme jeune et élégante dans une pauvre bourgade serait un objet de commentaire, sans compter que Pedro Diaz, dans ses allées et venues hebdomadaires, ne manquerait pas de la reconnaître, avait revêtu, pour la circonstance, un costume de collégien. Il était impossible de voir un bambin de meilleure mine. Son chapeau ballonné en feutre noir et au bord retroussé lui donnait un air des plus espiègles, et sur les boulevards parisiens, on l'aurait volontiers prise pour chérubin en quête d'une rosine quelconque. Hector de Livran, avec ses 26 ans, ne pouvait pas s'intituler le père de la créole. Aussi avait-il été convenu qu'ils se feraient passer pour deux frères voyageant ensemble, le plus jeune sous la tutelle de son aîné. La patronne de l'auberge, une grosse bretonne qui avait été fort accorte dans son temps, les accueillit à bras ouverts et les logea dans une chambre à deux lits, la plus belle de la maison. Carmela et le vicomte passèrent le reste de la journée et une partie de celle du lendemain à se promener au bord de la mer. Le lendemain, vers 1 heure de l'après-midi, ils aperçurent Pedro monté dans sa barque et se dirigeant vers Pembor. D'après les renseignements du cormoran, il repartira dans 3 ou 4 heures, dit Hector à sa compagne. Nous allons louer un bateau et tout en ayant l'air de faire une promenade en mer, nous le suivrons et nous saurons d'où il vient. J'ai pris mes précautions, répondit Madame de San Loco, et j'ai arrêté une barque, mais vous ne m'accompagnerez pas dans l'excursion que j'ai projetée. Et pourquoi ? Fit le vicomte avec étonnement. Parce que si Pedro se voyait suivi par 2 étrangers, il pourrait en concevoir ombrage, tandis qu'il ne fera pas attention à moi, un bambin insignifiant. C'est juste, repartit l'ex-ténor. Pedro Diaz venait, selon son habitude, faire ses provisions au chef-lieu de canton et donner en même temps au marquis de Kerdal des nouvelles du prisonnier. À 4 heures, il était de retour à Pembor et repartait dans sa barque. Il remarqua bien sur la plage un jeune garçon qui montait dans le bateau d'un pêcheur, mais comme Carmela l'avait prévu, il n'y attacha aucune importance. Il était déjà loin en mer lorsque le pêcheur prit le large. Le chenal qu'il fallait traverser avait des tournants qui cachaient l'une à l'autre les 2 embarcations. Au moment où Pedro allait toucher terre, il aperçut le bateau du pêcheur qui sortait de derrière les rochers. Mais au lieu de prendre cap sur l'île, le bateau s'en éloigna par une bordée ou feignit de s'en éloigner. Le Texien, sans défiance, aborda, amarra son bateau et se dirigea vers la maison de l'ancien pilote devant laquelle Don José se réchauffait au dernier rayon du soleil tout en fumant des cigarettes. La manœuvre opérée par le bateau du pêcheur avait pour objet d'éloigner tout soupçon de l'esprit de Pedro Diaz. Carmela, voyant que sa ruse avait complètement réussi, dit à son conducteur de s'arrêter, puis elle prit une lunette de voyage qu'elle portait à la façon des touristes suspendue à son côté et la braqua sur l'île de Boed. Le visage du bâtard, éclairé par les feux du soleil couchant, se dessinait nettement sur le mur noirâtre de la maison, et elle reconnut José sur le champ. Un sourire de triomphe s'épanouit sur ses lèvres. « J'ai la clé du mystère, et nous verrons bien qui du duc Jean ou de moi gagnera la partie. » Elle savait ce qu'il lui importait de connaître, et il donna au pêcheur l'ordre du retour. Hector l'attendait sur la plage. « J'ai retrouvé le fugitif, » lui dit la créole, « et demain nous ferons une promenade du côté du château de Kerdal. Il est nécessaire que je me rende un compte exact des lieux dans l'intérêt du succès de la petite tragédie que je prépare. Voyons, racontez-moi votre projet, cher ami, » dit le vicomte de Livran. Je suis un peu comme les auteurs dramatiques qui n'aiment pas ébruiter à l'avance le dénouement de leurs pièces, répondit Madame de San Loco en souriant. Mais soyez sans inquiétude, mon cher Hector, avant peu, nous recueillerons les millions de la duchesse et nous irons en Angleterre où nous nous marierons. Le lendemain, le vicomte et Carmela se dirigèrent vers la haute falaise sur laquelle était placé le château du marquis. À environ 1 kilomètre du château se dressaient des ruines imposantes, celles de l'ancien manoir de Kerdal. Incendié plusieurs fois pendant les guerres de religion, ses possesseurs s'étaient décidés à l'abandonner et ils avaient fait construire plus loin le château actuel. La seule partie restée debout était une vieille tour carrée à 2 étages, désignée dans le pays sous la dénomination de la tour aux mouettes. « Que pensez-vous de la demeure de mon espion ? demanda Carmela à son compagnon d'excursion. « C'est un véritable nid à hibou, » répondit-il dédaigneusement. « Oui, mais quelle belle vue ! La mer à nos pieds, et en face de nous, le château du Marquis. Du haut de cette tour, et avec une bonne lunette, on doit facilement voir tout ce qui s'y passe, vous croyez ? Entrons, mon cher, et nous pourrons nous en convaincre. » Ils entrèrent. L'intérieur de la tour était aussi délabré que son extérieur. Au rez-de-chaussée, pas un seul meuble, les quatre murs seulement, dont les parois suintaient une humidité glaciale. Au premier étage, une vaste pièce avec une paillasse pour tout lit. C'était là que couchait le cormoran. Un escalier, dont plusieurs les marches étaient chancelantes, conduisait au second étage qui servait de grenier pour les provisions de bouche. Une fenêtre à ogive et sans carreaux plongeait sur le château de Kerdal comme un oiseau de proie. Carmela prit sa longue-vue et la dirigea sur la terrasse du château. Jean de Clodion et Fernande s'y promenaient en ce moment. Derrière eux, suivait la nourrice avec la petite Jeanne dans ses bras. « Voyez si je me trompais, » dit la créole en passant sa longue-vue au vicomte. Hector, à son tour, regarda. « Pauvre José, » fit-il avec un sourire ironique. « Eh bien, commencez-vous à comprendre mon petit plan de drame intime ?» repartit Madame de Sanlouco. « Auriez-vous l'intention de lui démontrer la vérité du proverbe qui dit que les absents ont tort ?»« Le retour du vrai duc est non seulement une menace pour nos projets de fortune, « mais encore un danger pour moi, » répondit Carmela d'une voix brève. « Sans aucun doute, il rêve une vengeance terrible, laquelle, je l'ignore. Mais je la pressens, et dès lors, nous n'avons qu'un parti à prendre, c'est de le supprimer. « Diable, » dit l'ex-ténor, « mais c'est jouer gros jeu. Et l'échafaud, cher ami, pourrait bien servir, savez-vous, d'épilogue à votre drame intime. » « Naïf que vous êtes, quel compte la justice aurait-elle à nous demander si c'est un autre qui nous débarrasse de Jean de Clodion ?» répliqua Madame de Sanlouco. « Et cet autre, quel est-il ? Vous ne le devinez pas. » En ce moment, le cormoran entra brusquement dans le grenier. « Je me doutais bien qu'il y avait quelqu'un chez moi, » dit-il en s'inclinant. « Mais je ne m'attendais pas, madame, à l'honneur de votre visite, non plus qu'à celle de monsieur le vicomte. »« Savez-vous que vous êtes admirablement bien ici ?» répondit Carmela. « Comme observatoire, le local sans doute est fort convenable, » reprit l'espion. « Mais comme invitation, il laisse quelque peu à désirer. » Et si madame y passait seulement 24 heures ? « C'est ce que je me propose de faire, » interrompit la créole. « Madame parle sérieusement ?»« Si sérieusement que je vous l'emprunterai samedi soir jusqu'à dimanche matin. » Le cormoran regarda Hector, qui lui fit signe de répondre affirmativement. « Samedi soir, madame, vous pourrez prendre possession de mon habitation. » Pendant que madame de Sanlouco descendait l'escalier qui conduisait au premier étage, l'espion, qui avait fait passer à dessein le vicomte devant lui, lui glissa rapidement ses mots à l'oreille. « Il s'agit de l'affaire des millions, n'est-ce pas, perroquet ?»« Parbleu, » répondit Hector, « sans cela serais-je ici. Au fait, c'est vrai. Perroquet, tu auras ta part du magot comme les camarades, mais qui sera bien attrapé, ce sera ta princesse. »« Comme tu dis, l'ami, » répliqua l'ex-ténor avec un sourire ironique. « Compte sur ton dividende, mon garçon, » pensa-t-il, tout en rejoignant Carmela, « et tu l'attendras longtemps. » Le samedi suivant, c'est-à-dire 2 jours après l'excursion de Madame de Sanlouco et du vicomte de Livran à la tour aux mouettes, Pedro Diaz venait, selon son habitude à Penbord, vers 1 heure de l'après-midi et amarrait sa barque qui devait le ramener le soir à l'île de Boed. Carmela avait donc tout le temps nécessaire pour mettre à exécution le hardi projet qu'elle avait conçu. Aussitôt qu'elle vit le Texien se diriger vers le château de Kerdal, elle courut rejoindre le pêcheur qui l'avait conduite près de l'île, sauta dans sa barque et lui dit de faire voile dans la même direction. Le trajet s'effectua rapidement. Au moment où la barque allait atterrir, la créole aperçut José assis au bord du rivage. Il avait près de lui son fusil, mais les oiseaux de mer venaient se poser à quelques pas sur les sables de la grève sans qu'il songeât à les abattre. « Pauvre garçon !» murmura Carmela. « Il voyage en ce moment dans le pays du bleu. Mais je vais le ramener aux réalités de ce monde. » Elle dit au pêcheur de l'attendre dans son bateau, puis elle mit pied à terre et s'approcha du rêveur que le bruit de ses pas sur les cailloux de la plage tira enfin de ses méditations. Il leva la tête et regarda avec étonnement ce jeune garçon qui venait à lui. Lorsqu'elle l'eut rejoint, la lumière se fit dans l'esprit du bâtard. Il reconnut Carmela et une indéfinissable haine se peignit sur son visage. Il se leva brusquement, et son regard était si menaçant qu'elle se demanda s'il n'allait pas saisir sa carabine et la tuer, avant qu'elle eût pu lui expliquer le motif de sa présence. Elle comprit en même temps que pour conjurer le danger, il fallait, dès la première parole qu'elle prononcerait, opérer une diversion dans ses dispositions peu amicales. « Vous ?» fit José d'une voix stridente. « Me poursuivrez-vous donc jusqu'à ce que je sois couché dans un tombeau ?»« Mon pauvre ami, je sais tout, » dit la créole, dont la voix prit les inflexions les plus caressantes, « et je viens pour vous sauver. »« Me sauver ?» reprit le bâtard avec un rire forcé. « Et de quoi ? Ne suis-je pas ici par ma propre volonté ? N'est-ce pas librement que je retournerai au Mexique ?»« Oui, oui, je connaissais d'avance votre réponse, » continua-t-elle. « Vous doutez de mon affection, le malheur ancien juste. Vous n'avez donc pas compris que mes exigences, mes cruautés, jusqu'à mes trahisons, venaient de mon amour que vous aviez méconnu ? Vos trahisons ?» répondit Don José avec un suprême mépris. « Oh, je vous fais compliment, madame. L'amant que vous vous êtes donné s'intitule vicomte, et il se conduit en laquais. D'ordinaire, les gentilshommes soudoient les créatures perdues, qu'ils ont l'imbécilité d'aimer. Ce monsieur a changé tout cela, c'est lui qui se fait soudoyer, et vous avez accepté son honteux marché. Ah, vous êtes bien dignes l'un de l'autre. » Un coup de cravache cinglé en plein visage aurait produit moins d'effet que ces dures vérités. Carmela pâlit sous l'insulte et rougit simultanément. La colère l'envahissait, mais elle eut le courage de se dompter. « Comment ? » reprit-elle avec la même voix doucereuse. « Comment vous connaissez si peu le cœur des femmes ? Que vous ne croyez pas que, trahi par vous, j'ai voulu me venger, et pourquoi ? Pour tâcher d'oublier. L'oubli, hélas, n'est pas venu. Puisque je suis ici, et que je vous dis, José, voulez-vous encore de moi ? Et je vous suivrai dans votre exil. Si, comme vous le prétendez, vous m'aimez toujours, répondit le bâtard, je remercie le ciel. Votre amour, du moins, me vengera de tout le mal que vous m'avez fait, car sachez-le bien, je n'aime et je n'aimerai jamais que Fernande. Fernande, ah oui. Parlons-en, répliqua madame de San Luco en haussant les épaules. Mais aveugle que vous êtes, faut-il donc que je vous dévoile l'abominable complot dont vous êtes la victime ? Un complot ? Que voulez-vous dire ? À quoi bon ? Vous me taxeriez cette fois encore de mensonge. « Voyons, expliquez-vous, parlez, mais parlez donc !» reprit vivement José. Carmela, pressentant que toute hésitation ne pourrait qu'affaiblir le coup qu'elle voulait porter, formula d'une voix nettement accentuée les mots qui suivent. « Mon pauvre ami, votre frère aime votre femme, et elle répond à son amour. « Calomnie, blasphème, misérable que vous êtes !» s'écria le bâtard. La créole qui avait prévu cette explosion ne sourcit à point. « Et si je vous faisais voir, et voir par vos yeux, la trahison que je vous ai dénoncée, » répliqua-t-elle, « que diriez-vous ? Vous rendriez-vous à l'évidence ? Encore une fois, vous mentez, Jean est un vrai duc, lui, incapable d'une telle infamie, et Fernande, vous avez foi en leur loyauté ? Mais oubliez-vous insensé que Jean aimait Mademoiselle de Croix-Marie avant vous, qu'il était son fiancé, et que Fernande n'est devenue votre femme que parce qu'elle voyait en vous celui auquel elle avait promis sa main ? Vous avez pris leur bonheur, et vous vous imaginez qu'ils vous pardonneront votre crime ? Jamais, jamais. Si l'on vous a chassé comme un valet infidèle du château dont une félonie vous avait fait le maître, c'est qu'on avait une existence brisée à refaire, un bonheur perdu à ressaisir. Peu à peu le doute entrait et pénétrait dans l'âme de Don José. Peu à peu en même temps s'y glissait la jalousie avec ses aiguillons acérés. « Vous me feriez voir ce que vous me dites, là ? » reprit-il. « Je vous le ferai voir, » répondit la créole, d'une voix assurée. « Quand ? Aujourd'hui même, si vous voulez me suivre. Partons, et si vous avez dit vrai, ma vengeance sera à la hauteur de l'outrage. » repartit le bâtard avec un accent sinistre. Carmela avait réussi. Elle était venue pour chercher le bâtard de Clodion, qui devait être l'instrument inconscient de ses projets, et elle l'emmenait. Au lieu d'aborder à Pembore, où ils auraient pu rencontrer Pedro Diaz, elle fit atterrir la barque sur un point de la côte qui en était assez éloigné, puis elle congédia le pêcheur. « Quand le Texien, à son retour, ne trouvera plus son prisonnier, se disait-elle, il supposera qu'il s'est jeté à la mer dans un accès de désespoir, et il le croira mort. » Ce fut par des chemins sinueux et solitaires qu'elle conduisit José à la tour aux mouettes. Lui, il la suivait en silence, sans se préoccuper de l'endroit où elle le menait. Que lui importait l'endroit pourvu qu'il pût voir ? Est-ce donc dans cette ruine qu'ils se rendront ? demanda-t-il à Carmela lorsqu'il fut rentré dans la tour. Non, mais d'ici vous pourrez vous convaincre que je dis vrai, répondit-elle. À présent, montons. Ils montèrent au second étage. La créole prit alors sa longue vue et la braqua sur la terrasse du château, mais elle n'aperçut rien. Au bout d'un quart d'heure d'observation minutieuse, elle poussa tout à coup une exclamation de joie. « Regardez » fit-elle en passant la longue vue à Don José. José regarda. « Je vois Jean et Fernand qui se promènent sur la terrasse, » répondit-il. « Sont-ils seuls ? Le marquis est avec eux. Attendons. » Un nouveau quart d'heure s'écoula. « À présent, ils sont seuls, » dit José, et il continua à regarder. « À leur tour, ils s'éloignent, » reprit-il bientôt d'une voix étouffée. « Allez, voilà qui se dirige vers le pavillon, à l'extrémité du jardin, du côté de la falaise. Je ne les vois plus. Mais il existe une brèche par laquelle on peut pénétrer dans le château. Je cours les rejoindre, et malheur à eux s'ils s'aiment. » Il était comme ivre ou fou en ce moment, et il voulut s'élancer. Carmela lui saisit le bras. « Demeurez !» lui dit-elle d'un ton impérieux. « Ce que vous venez de voir ne prouve rien. Il faut pour vous venger que vous ayez une de ces preuves devant laquelle tout doute disparaît. Attendez jusqu'à la nuit. Alors quoi ? Vous verrez Fernand dans la chambre de Jean de Clodion. » Enfin, le crépuscule arriva. Le soleil se coucha dans un lit de pourpre et d'or, et les compagnes environnantes prirent cette teinte confuse qui n'est ni le jour ni la nuit. Au loin, les ombres qui commençaient à s'étendre se piquèrent de points lumineux. C'étaient les rares villas des environs qui s'éclairaient. Au-dessous de la tour aux mouettes et à peu de distance, le château de Kerdal profilait dans la nuit sa grande silhouette sombre. Le vieux manoir, à l'exception de la chambre de Jean de Clodion, était plongé dans l'obscurité. Ses fenêtres étaient ouvertes, et le jeune duc se tournait par moments du côté de la porte et prêtait l'oreille comme s'il attendait quelqu'un ou quelque chose. Une lampe posée sur une petite table répandait sa brillante clarté dans toute la pièce. On y voyait comme en plein jour. Bientôt la porte s'ouvrit et la nourrice, avec Jeanne dans ses bras, entra suivie de Fernande. Le bâtard tressaillit. « Attendez jusqu'à la fin, » lui dit la créole, qui, on le sait, avait été, lors de son entrevue à Vannes avec le cormoran, mise au courant de tout ce qui se passait le soir au château au moment du coucher de la petite Jeanne. Jean embrassa au front l'enfant que la nourrice emmena, puis il ferma sa fenêtre et José ne put le voir gagner le parc pendant que la duchesse s'en allait de son côté veiller sa fille. Mais ce soir-là, ce n'était pas pour respirer l'air de la nuit que le jeune duc avait quitté sa chambre. Un motif beaucoup plus sérieux, et que nous expliquerons tout à l'heure, exigeait sa présence immédiate dans le parc. Le bâtard, en voyant la nourrice sortir de la pièce, et le duc Jean fermer ses fenêtres, poussa un rugissement. « Oh, les infâmes ! Les infâmes ! » s'écria-t-il. « Et pas d'arme ! Je n'ai pas une arme ! J'en ai une, moi !» dit Carmela, en montrant un poignard qu'elle venait de tirer de la poche de son veston de collégien. « Donnez !» fit José. Il lui arracha presque l'arme des mains, franchit en quelques bonds les deux étages de la tour aux mouettes, s'élança dans la direction du château de Kerdal, entra par la brèche et se glissa en rampant dans le parc à la façon des fauves qui veulent surprendre une proie.